tata na biso olikolo tika nkombo na yo ekumama okonzi bwa yo eya mokano na yo esalema wana se pe likolo ate todie na mumbazulu lika nkombo akuya zituswa kifumu kya kukiza luzolo lwa kulwa vangama vantoto bonso muzulu kondwa lekwa kongeye ukuntwa disanga muzinzila za mizazo kina kondwa lekwa kongeye ukuntwa disanga muzinzila za mizazo Soboya tokumi saninza byoyo azamala mumingi penza asalelinga oyo elekelinga nzambo yo nzambe Luisa babo sono Luisa tosalisi na nzambi yo wena wabote beni beni wangi tukulukena nzambi yo nzambi Ivungi, inke biami, kina kondwa lekwa kongeye ukuntwa disanga, muzinzila za mizazo, Yesu. Ivungi, Yesu inke biami. Kondwa lekwa kongeye ukuntwa disanga Muzinzila za mizazo Mono Tala mono Uvongi sanga mwelani Ukuntwa disanga munzila za songa Mudiatanga ye Yesu Buntu kisanga yenge Yetwa langa kukulu suku moyo anade Yore bomba melo nanga Nako zange loko teo zaliko tamu isanga Na banzela nanga nyoso Nako bange loko te Ngai Na banzela nanga nyoso Nako bange lokote Ngai Nako zange lokote Ainda ke eu ande pelo vale da sombra da morte Eu temere nada Restaura minha alma e guia-me nas veredas da justiça Por amor do seu nome O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu nada temerei. Pai Kula, Pai Denju, Pai Mosolo, Pai Cham, Pai Tavar, Pai Roger, que Deus vos abençoe. Yadonatu Vuziana, evangelista. Prophète Dimitri Bayendissa, Pasteur Roger Diakwenda, Pasteur Amos Mbayo. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Pasteur Jules Tangata, Prophète Aaron Kimbati, Pasteur Dema Aliremo, Ilunga Didi. Ne vous effrayez point devant cette multitude, car ce ne sera pas vous qui combattrez, c'est moi, dit l'Éternel. ba fiti na sangani ba bomanga Tabanguna, Bacholimpo, Basambuisanga, Nakubangelo Kote, Nanakusangelo Kote. Quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne manquerai de rien, moi je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Tabafiti na sangani babo manga Nakubangelo kote Nanakusangelo kote Atabanguna na cholimpo basambu isanga Nakubangelo kote Nanakusangelo kote Quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort Je ne manquerai de rien Ngaï L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien.